Adam et Ève. Adam et Ève, aux souliers plombés, se noient dans un ciel de fleurs asphyxiées où brille une pleine lune oubliée. La lune tombe dans un océan défiant ses amants troublants, couverts de sang pour s'être livrés et sacrifiés à leur sens. Enfants devenus parents en hurlant et clamant leur superbe chant si terrifiant. Enivrant, en sorcelant, les yeux bandés, les mains liées, Adam et Ève crèvent sous le choc d'une flèche. Pourtant, la peur et les pleurs du tireur hurlent douceur et candeur. Clameur sourde au père du malheur, en voyant son fils sans promesse de bonheur. Fils serré sur notre cœur, là où la flèche engendre rancœur et douleur. Sombre et blême héros, pareil à des bourreaux, Adam et Ève, aux souliers plombés, se noient dans un ciel de fleurs asphyxiées où pleure un arc-en-ciel au goût de miel ou de fiel.